Le Québec et la conscience supramentale. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Au Canada, il y a la province de Québec qui a été identifiée par un groupe d'entités du plan mental comme étant un lieu où vont s'incarner de plus en plus, avec le temps, des âmes qui sont prêtes à vivre le processus de la fusion avec elles pour développer une conscience supramentale. Donc, il y aura plusieurs âmes qui ont une structure d'énergie suffisamment solide pour l'intégrer, qui vont être dirigées par des gestionnaires d'incarnation pour habiter des corps qui vont naître au Québec. Le peuple québécois a été identifié comme étant propice à l'intégration de cette conscience nouvelle, étant donné qu'il présente peu de mémoire historique à la différence d'autres peuples. Par exemple, la ville de Québec a été fondée en 1608, ce qui fait à peine un peu plus de 400 ans d'histoire. Cela n'est pas beaucoup à comparer de certains peuples ayant plusieurs millénaires d'histoire. Comme il a peu de mémoire historique, le peuple québécois est susceptible d'être plus ouvert aux changements qu'implique l'intégration de la conscience supramentale. Ainsi, il est susceptible d'avoir peu de résistance au changement qui pourrait venir d'idées anciennes mémorisées qui s'opposeraient aux idées nouvelles diffusées dans le mental humain par l'esprit. Dans un autre ordre d'idées, le fait que le peuple québécois est de type individualiste va favoriser l'intégration de la conscience supramentale qui se rapporte à un processus d'individuation de la conscience. Bien que son intégration ne soit pas impossible dans des sociétés de type collectiviste, elle risque d'être plus difficile pour la personne vivant dans ce type de société plutôt que dans des sociétés valorisant l'individualisme. Ainsi, ce sont des sociétés comme celle québécoise, où le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles s'avère valorisé, qui vont y être plus propices. Donc, les sociétés gérées par des dictatures religieuses ou politiques ne seront pas favorables à l'éveil et l'épanouissement de la conscience individuelle. En effet, il est plus difficile pour l'individu d'exprimer son individualité lorsque les autorités de son peuple sont des dictateurs qui s'opposent à la liberté d'expression. Cela risque de demander une plus grande force de volonté à l'individu pour être libre dans son mental dans un contexte défavorable à son individuation. De plus, les sociétés comme celle du Québec, qui ont pour valeur l'égalité homme-femme, vont être plus propices à l'épanouissement et l'individuation de la femme que celle où elle n'est pas considérée comme étant l'égale de l'homme et que ses droits sont bafoués. Également, le fait que le Québec n'est pas aux prises avec une situation de guerre civile et qu'il n'y a pas de problème de famine s'avère des facteurs facilitant le développement de la conscience supramentale. Au fil des décennies, il y aura de plus en plus d'âmes qui vont s'incarner au Québec dans l'optique de vivre la fusion avec l'esprit et de véhiculer l'instruction se rapportant à ce processus. Cela va favoriser l'intégration de la conscience supramentale avec le temps au sein du peuple québécois. Au fil des siècles, il y aura des gens d'un peu partout dans le monde qui vont venir étudier et vivre au Québec pour bénéficier d'un contexte social qui va favoriser de plus en plus l'intégration de l'instruction supramentale. Même si le Québec est une province qui présente un contexte qui sera de plus en plus facilitant pour l'individuation de la conscience, il y a des gens de partout dans le monde qui peuvent s'individualiser et être mis en contact avec cette conscience qui se développe au-delà du conditionnement social. Présentement, de par Internet, il y a de plus en plus de gens à l'échelle internationale qui peuvent avoir accès à du matériel se rapportant à la conscience supramentale. Cela peut favoriser l'intégration de cette conscience dans le sens que cela peut les mettre en contact avec des gens sur le web vivant le même processus et les amener à réaliser qu'ils ne sont pas seuls à le vivre et ainsi le dédramatiser. Par conséquent, l'Internet peut favoriser leur intégration du processus de la fusion et cela en dépit du contexte culturel dans lequel il se trouve qui peut être plus ou moins favorable à son intégration. Ainsi, bien que d'avoir un contexte culturel et la possibilité d'avoir accès à des informations par Internet se rapportant au supramental peut faciliter son intégration, cela n'est pas nécessaire. Donc, il est possible que des gens, dans un contexte social d'une dictature et n'ayant pas accès à Internet, puissent vivre la fusion et l'intégrer sur une base individuelle. De toute manière, que la personne aille accès ou non à une culture et des informations venant d'Internet facilitant l'intégration de la conscience supramentale, ce n'est pas cela qui va être à l'origine de la fusion. Ce qui l'enclenche, c'est une mise en relation de l'esprit avec l'âme. Elle va donner accès à la capacité de communication télépathique entre les deux. Ainsi, même en contexte de dictature, l'individu peut communiquer intérieurement avec son esprit et cela ne paraît pas de l'extérieur et ne perturbe pas l'ordre social. Donc, s'il est extrêmement discret, cela ne lui causera pas d'ennui. De toute façon, présentement, l'individu au Québec n'est pas en mesure de parler ouvertement de la fusion avec la plupart des gens de son entourage, étant donné que la majorité d'entre eux ne la vit pas et n'est pas en mesure de la comprendre. Donc, cela serait une perte de temps de leur en parler. Par conséquent, il est logique que présentement les médias de masse au Québec ne parlent pas de la fusion de l'âme avec l'esprit parce qu'il n'y aurait pas un assez grand bassin de l'auditoire qui en serait réellement concerné. Par contre, lorsqu'éventuellement il y aura une masse critique de gens qui vont vivre la fusion à cet endroit, eh bien, de plus en plus d'individus vont en parler de plus en plus ouvertement et les professionnels de la santé mentale vont être en mesure de reconnaître leur vécu et les accompagner adéquatement dans leur expérience plutôt que de croire systématiquement qu'ils hallucinent parce qu'ils disent communiquer avec leur esprit ou d'autres entités. Aussi, lorsqu'il y aura une masse critique atteinte au Québec, nous allons parler de conscience dans les médias de masse. Le Québec deviendra éventuellement un lieu où il sera très agréable de vivre pour l'individu en fusion avec l'esprit. En conclusion, l'individu n'a pas besoin nécessairement d'échanger avec des gens à personne au Québec qui vivent la conscience supramentale ou de discuter avec des individus sur le web pour l'intégrer. étant donné que cela se fait sur une base individuelle au fil des conversations qu'il a avec son esprit. Voilà ce qui termine la lecture du texte s'intitulant « Le Québec et la conscience supramentale ».